C'est quoi le truc que t'as eu toi hier? On peut pas que tu dises bah, ça. Je sais pas, c'était à Gigi World. Ouais, mais t'as pas besoin. Envoyé un. Ouais, mais t'as pas besoin de dire. Ouais, mais t'as pas besoin de dire ça sur l'antenne, c'est tout. Au contraire, c'était bénéfique, c'était. Non, mais t'as s'occupe de ouais. Toi. Non, mais même t'as pas besoin de dire ça sur l'antenne, c'est tout. Le t-shirt, il est où le t-shirt? Alors. Je vais donner. Il est dans le bureau. Il est bien, hein? Ouais, mais sauf qu'on voit pas trop le big. On le voit mal. La photo, elle est pas mal. Attends, c'est un mec qui l'a fait spécial maison. J'espère que tu vas le mettre. Ouais, surtout avec ce qui est marqué derrière, ce qui est un peu... Qui s'est marqué j'ai envie d'enculer Gérard de Suresnes. Alors ça, tu vois, demain, je vais faire une chose, je vais mettre du blanc dessus. Ah bah, ça va aller plus vite. Très bien joué, Gérard.